France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le festival de Woodstock, notre invité Mischka Assayas, bonjour. Bonjour Fabrice. Merci d'être là, journaliste, spécialiste rock, producteur de l'émission Very Good Trip sur France Inter tous les jours de 21h à 22h. Voilà, alors, ça montre déjà que cette époque des années 60 et 70 est à cheval sur les deux, très particulièrement entre 65 et 75. Cette époque est un peu à la musique ce qu'a été la Renaissance, à la peinture ou à la sculpture. Chaque année en vaut 10, il y a une telle créativité. Dire ça, est-ce que c'est être lucide ou est-ce que c'est tomber aussi dans le piège du « c'était mieux avant », la nostalgie? Non, enfin, bon, la nostalgie a ses limites, mais enfin, bon, il faut avoir l'honnêteté d'admettre que cette musique-là n'existait pas avant. C'est-à-dire que les groupes qui naissaient dans ces années-là, 65, 70, 67 et les autres, on ne les comparait pas à ce qui se faisait en 1927 ou en 1937. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui était absolument neuf. Alors évidemment, rien ne naît jamais de rien, de même que la Renaissance italienne est née des primitifs, etc. Mmh. Mais il y a eu la création d'un nouveau langage musical qui était absolument inédite, une fusion de toutes les musiques. Et puis surtout, vous l'avez rappelé dans votre récit, une diffusion planétaire. Ouais. C'est-à-dire que cette musique était la musique d'une jeunesse occidentale, occidentalisée, universelle. C'est-à-dire que vous viviez à Hong Kong, vous viviez même à Varsovie, vous pouviez capter ça sur ondes courtes, parce que c'était encore le rideau de fer. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tout le monde était au courant que cette musique existait. Ça n'avait jamais eu lieu. Elle est d'autant plus universelle qu'elle est de racines occidentales blanches, mais qu'elle pas seulement. Pas seulement. Alors elle est de racines blues. Non, elle est racines blues, pardon. Mais après, elle arrive à un modèle de musique occidentale blanche, mais qui va métisser tout ça avec notamment des influences orientales. Je pense aux chansons de Beatles. Je pense aussi à Led Zeppelin. Donc elle est universelle aussi par son métissage. Oui, c'est-à-dire que ce qu'il faut voir, c'est que c'est ça. Vous faites allusion évidemment à la période psychédélique, qui était une période expérimentale. C'est-à-dire que, en effet, la base était souvent le blues. C'est-à-dire bon, et donc de racines noires. On est bien d'accord. Les 12 mesures habituelles, etc. Et puis il y a eu toutes sortes de greffes les plus abracadabrantes possibles avec la musique baroque, avec, en effet, que vous l'avez rappelé, la musique indienne qui a beaucoup compté parce que bon, à l'Empire britannique, il y avait une communauté indienne très forte en Angleterre. Et bien sûr, les musiques du Moyen-Orient, les musiques d'Afrique du Nord qui ont beaucoup compté pour Led Zeppelin. Vous avez tout à fait raison de le rappeler. Et on rappelle que nous allons bientôt célébrer les 40 ans du disque Sgt Pepper's. Hein, oui. En juin 67, 1er juin 67. 40 ans ou 50 ans les 67, 6 et 4, 50 ans. Oui. Oh là là. Je me disais. Oh là là, vous êtes rajeuni, là, Fabrice. Je veux rétrécir le temps, moi. 50 ans, bah oui. Non, mais je vous dis ça parce que l'explosion pop est née à Londres avec les Beatles et puis les Rolling Stones notamment. Et puis, il y a eu la musique américaine avec Bob Dylan, avec les Doors, la musique de la côte ouest, la musique cool de la côte ouest. Ouais. Est-ce que tout ça, est-ce qu'il y a des interactions ou est-ce qu'il y a des frontières à l'époque? Ah non, non, tout ça est dans un même creuset. Tout ça se mélange. D'ailleurs, Bob Dylan, il était là même avant les Beatles. Au fond, il était là dès 1961. C'était le protest song. Et puis, il y avait une conscience politique dont Woodstock a été la culmination d'une certaine façon. Parce que ce qui est frappant, c'est que, vous voyez, il y a cette espèce d'idée de créer un nouveau monde. Vous avez rappelé très justement que Woodstock avait eu lieu dans un amphithéâtre naturel. Et moi, je me souviens d'avoir interrogé un historien qui avait été présent à Woodstock et qui m'avait raconté que c'était comme une scène biblique. C'est-à-dire qu'il était arrivé là, il avait entendu dire qu'il y avait un truc génial qui se passait dans le nord de New York. Il a débarqué là et il a dit, on avait l'impression que c'était la première humanité. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de pur. Et je ne sais pas si vous avez en tête les images du film. Oh que oui. Mais il y a des images qui n'ont rien à voir, enfin qui n'ont rien à voir, qui sont en marge, je dirais, de ce qui se passe sur la scène. Et on voit ces jeunes gens nus, beaux, comme dans un tableau absolument idyllique. C'est le paradis terrestre. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'un âge de l'innocence recommence. Ils ont recréé cet Éden, je parlais. Voilà, un Éden, exactement. Il y a peut-être une hiérarchie finalement dans ces grands rassemblements. Il y a eu Woodstock, il y a eu l'île de Wight, il y en a eu plusieurs. Mais Woodstock tient une place particulière. Pourquoi? D'abord parce que vous l'avez rappelé très justement, il y a eu un film. Ce film, beaucoup l'ont vu, parce que évidemment, Woodstock, il fallait habiter là-bas. Enfin voilà. Et donc le film, évidemment, a été vu par la jeunesse du monde entier. Et puis c'était le mythe de la musique gratuite. Faut pas oublier que bon, ils ont été débordés les organisateurs, et il y a eu en effet un déferlement de totalement inattendu, et ils ont dû briser les barrières. Et dans la foulée, il y a eu des tas de festivals qui ont été organisés en Europe. Il y a eu White, mais en France aussi. Mmh. Il y a eu le festival d'Auvers-sur-Oise qui a été organisé par un couturier qui s'appelait Jean Bouquin, qui s'est également terminé dans la Gadoue. C'était un... Et qui est maintenant directeur du théâtre des Jazets. Ah ben voilà. et il y a eu également en Belgique, à Mougy. Et l'idée, c'est que la musique devait être gratuite. Alors il y a toutes sortes de freaks européens qui sont arrivés là et qui, souvent très politisés, et qui refusaient de payer leur écho. Et qui envahissait les lieux en disant musique gratuite, en levant le poing, quoi. Alors, puisque vous dites qu'effectivement, ouais, le film a beaucoup contribué à la notoriété, ouais, historique de Woodstock, on va écouter une archive qui vaut vraiment le détour. Le film est présenté à Cannes l'année d'après, donc en 1970, hein, et on va écouter ce qu'en disent à l'époque les critiques du Masque et la Plume. Nous sortons d'un film qui s'appelle Woodstock. Il y arrivera à le dire, vous avez le droit. Nous en sortons aveugles, nous en sortons sourds, oui, nous en sortons complètement abasourdis, nous en sortons encore plus idiots. Comment on avant d'y entrer. Bon, c'est un film. Mais c'est quand même une dimension, je n'avais jamais vu ça dans ma vie. Et j'ai l'impression que ça va être très important sur un plan, non pas cinéma, mais sur un plan sensibilité. Oui. Que nous découvrons une espèce d'univers dément et qui est aussi un univers un peu fasciste, il faut le reconnaître, quoi. Quand ce groupe noir chante ailleurs et que toutes les 500 000 types qui sont là lèvent la main et font ailleurs, ailleurs, on a l'impression d'être au congrès de Nuremberg. Bon. Mais ah si oui, je... au congrès de Nuremberg tout de même, mais où les gens sont à poil et... On a quand même plus d'entendu. C'est le film qu'on a fait de la grande manifestation hippie de Woodstock qui s'est passée l'été dernier près de New York. Hein, merci Nicolas Draboud. 500 000 hippies étaient rassemblés, voilà. C'est de ce film qui dure 3h30 que Michel Royan vient de... 3h30 et on a toutes les chansons et la scénarisation. Avec John Baez. C'est un film pop de reportage. Oh oui, mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. Heureusement qu'il y a Jean-Louis Borry pour rétablir une vérité, parce que celui qui parle de trucs fascistes, bon, on peut dire n'importe quoi, ah, si ça existe. C'est hallucinant. Hein. Mais oui, mais parce que il y a, en effet, il fait allusion à la, au passage de Sly and the Family Stone, et qui fait chanter au public « I want to take you higher, higher, higher ». Bon, mais je pense qu'en effet, pour une génération qui a vécu les mouvements de masse, pour qui tout ça est prêt, l'idée de voir des gens rassemblés et de communier autour d'un même idéal, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on ne sait pas sur quoi ça va déboucher. Alors, maintenant, pourquoi les Doors? Parce qu'on dit, voilà, Woodstock, formidable, effectivement, il y a eu le film, il y a tout ce que ça représente dans la symbolique, également ce Woodstock. Mais enfin, faut rappeler quand même que les Doors étaient absents, les Stones étaient absents, les Beatles étaient absents. Oui, les Beatles ne donnaient plus de concerts depuis 66. Oui, hein. Et puis ils se tapaient quasiment dessus à ce moment-là. Ils étaient pratiquement plus ensemble. Voilà, à Twickenham, c'était l'horreur. Ouais. Twickenham, le studio où ils enregistraient les Titby, bref. Bon, mais les Stones et les Doors sont pas là, ça manque quand même, c'est énorme. Bah, Dylan surtout manquait. Parce que, en effet, vous avez bien fait de rappeler qu'il a failli venir, mais non. Ben oui, ils avaient fait exprès de l'organiser dans cette région pour l'attirer. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, Dylan était vivait en reclus, il donnait plus de concerts, et ça n'a pas marché. En revanche, il est allé à l'île de Wight l'année suivante. Ouais. Mais ça marche quand même, alors qu'il manque dans le casting. Ben oui, oui, non, mais je pense que bon, ils ont. Vous savez, l'artiste qui était le mieux payé, c'est Hendrix. Il a joué une fois que le festival était terminé. Et j'étais curieux parce que je l'ai regardé. Vous savez qui a été le mieux payé de Woodstock? C'est un groupe, peut-être vous vous rappelez, Blood, Sweat and Tears. Je pourrais dire oui pour faire bien, mais la pété n'est pas du tout. C'était un groupe un peu soul jazz qui a eu un tube, You've Made Me So Very Happy, Spinning Wheel, tout ça. Enfin bon. Donc en fait, il y a eu des groupes, peut-être que certains sont moins connus aujourd'hui, mais qui étaient des groupes extrêmement importants parce que bon, les Stones, il y avait pas que quoi. Je veux dire, bien sûr, c'était un des groupes. Il y avait les Who quand même. Il y avait les Who. Et qui venait de sortir Tommy, qui était un immense succès aux États-Unis. C'était vendu, je crois, à 200 000 exemplaires en quelques mois, ce qui était colossal à l'époque. Donc les Who, c'était l'événement. Enfin. Effectivement, voilà, ils auraient voulu qu'il y ait tout le monde, c'est sûr. Mais voilà, peut-être les Stones ont demandé trop cher. Bon, est-ce qu'à votre avis, avec Woodstock, on arrive à la fois, espèce d'acmé de ce mouvement-là, mais peut-être aussi la fin. Est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est un tournant? C'est certainement un tournant. Alors vous savez, c'est marrant parce que vous savez qui était un des assistants metteurs en scène de Woodstock pour Michael Wadley? C'est Martin Scorsese. Ah. Il était présent et il a assisté de très près au seul moment de violence de Woodstock, parce qu'il y en a eu un. Pendant le concert des Who, il y a un agité révolutionnaire qui s'appelle Abbie Hoffman qui arrive et qui interrompt le concert des Who, enfin entre deux chansons, et qui dit « Oui, pendant que vous vous amusez, il y a un type qui croupit en prison, etc. » Et il veut attirer l'attention sur un militant ultra-gauchiste qui a été emprisonné pour avoir fumé deux pétards, bon voilà. Et Pete Townsend, qui est compliqué, en plus qui ressemble à un karatéka, il a une espèce de combinaison de décontamination nucléaire, paf, lui met un coup de guitare sur la tête, et le mec voit 36 chandelles, il dégage, et Scorsese est là, il dit « J'ai filmé le seul moment de violence de Woodstock. » Donc, tout ça pour dire les gens crevaient de faim, il n'y avait rien à bouffer, c'était quand même un bordel pas possible, et il y a eu quand même beaucoup de tensions, les types qui arrivaient en hélicoptère, en fait, etc. C'était un peu, et je pense que bon, après Woodstock, tous les autres festivals qui ont voulu imiter cette communion idyllique se sont heurtés à une réalité qui était plus dure, c'est-à-dire il y avait en effet des violences un peu partout dans le monde, et c'était les débuts du terrorisme, la guerre au Vietnam a redoublé, enfin il y a eu surtout les émeutes raciales qui ont été tout de même très spectaculaires aux États-Unis, et tout ça je crois que a flanqué un coup de massue quoi sur cette espèce d'idéal un peu innocent, utopique. On a commencé à un peu ricaner des hippies, alors qu'au début on avait l'impression que c'était des gens qui avaient tout compris quoi, qui allaient refaire le monde. Donc une sorte de fin d'insouciance. Oui, finalement. Oui, clairement. Et puis il y a eu Altamont qui a été un garçon qui a été poignardé en effet par un Hells Angel, ça c'était violent. Alors c'est quoi un hippie? Bon, je vais pas vous poser la question. on va écouter la réponse d'un hippie qui donne lui-même la définition des hippies. Voilà. Les hippies. Moi, je crois que c'est quelqu'un comme vous qui a ôté la cravate parce que tout le monde l'a portée, qui n'a envie de faire que ce qu'il veut, que ce qu'il ressent, comme il le ressent, comme il le voit, en faisant abstraction de toutes les coutumes, de toute la culture qu'il a reçue. C'est quelqu'un de vrai, c'est tout. Vous partagez ? Ouais, non, mais écoutez, moi je l'étais pas, j'étais trop jeune, mais je les admirais. Et c'est ça, c'est l'idée de il y a aucune barrière, on est dans la spontanéité de l'enfance, sauf un enfant doté de super pouvoirs qui fait tout ce qu'il veut, qui peut organiser des festivals, qui peut changer de vie, qui peut créer des communautés, qui peut finalement défier le vieux monde. Et ses contraintes. En même temps, vous vous souvenez peut-être de cet épisode où George Harrison des Beatles va dans le quartier d'Ashbury, San Francisco. C'est la photo très connue où il a ses lunettes en forme de cœur. Et il revient déprimé. Il dit, mais ils sont crasseux, ils sont sales, ils sont malheureux, ils sont paumés, ils sont défoncés. Donc il y avait quand même un miroir de face, là. Oui, et puis il y avait une volonté de ne pas voir les aspects tragiques. Enfin, je veux dire, il ne faut pas oublier qu'il y a eu Charles Manson, l'assassinat de Sharon Tate, quelques mois plus tard. C'était une sorte de communauté hippie qui dirigeait une sorte de secte. Il y avait un aspect sectaire, et comme disait très justement un des témoins dont vous avez diffusé le témoignage, il y avait cette espèce de recherche un peu inquiétante de gourou d'ailleurs, dont les Who avaient fait le sujet de leur opéra rock Tommy, c'est que ça, Tommy est une espèce d'un garçon qui est aveugle, sourd et muet, et qui passe à la suite d'un traumatisme, et puis alors miraculeusement il est guéri, et à ce moment-là il prend un très mauvais chemin parce qu'il se prend pour un gourou. Et il a des sectateurs, il devient fou, et tout ça se termine extrêmement mal. Donc, il y avait cette conscience qui pouvait exister chez les plus lucides des hippies, qu'il y avait une dérive possible qui était l'enfermement dans des cultes dangereux, et puis surtout la non-maîtrise des drogues qui a fait des désastres. Enfin, ça, on le sait. Quand on voit le nombre de musiciens qui ont perdu la vie dans ces années-là, stupidement, c'est presque révoltant. Dont Janis Joplin qui était là. Oui. Alors, je voudrais revenir une minute sur les quatre organisateurs. c'est ces quatre jeunes qui sont dans une démarche commerciale au départ. Ils font un coup incroyable quand même. Oui, et bah c'est, enfin en même temps, c'est les premiers entrepreneurs hippies. Alors ça paraissait une contradiction dans les termes, c'est vrai. Parce qu'évidemment l'idée que l'argent était mauvais, voilà. Mais enfin pour autant, c'est des gens qui ont eu du nez en effet, parce que en fait ils ont fait un pari qui était un peu fou d'organiser un festival qui était pas rentable. Parce qu'ils ont été dépassés par ce qu'ils ont créé. Mais seulement, ils sont retombés sur leurs pieds, grâce au film et grâce au disque. Donc, ils n'étaient pas si fous que ça. Que reste-t-il de Woodstock et de l'esprit de Woodstock aujourd'hui? Est-ce qu'il a... Alors d'abord, aujourd'hui, le constat un petit peu étrange, mais si l'esprit de Woodstock s'est effacé, ça a été un processus long, où il y a eu comme ça une rupture, voilà, il y a eu la culture hippie, il y a eu Woodstock, et puis après on est passé à autre chose. Non, parce que ça, je dirais que ça s'est propagé par cercle concentrique, c'est comme voilà une pierre qu'on jette dans un lac. Donc les effets de Woodstock se sont fait sentir bien après. Et cette idée que la musique a des super-pouvoirs, et qu'elle donne des super-pouvoirs à ceux qui la font et à ceux qui l'écoutent, et qu'elle peut changer le monde, c'est une idée qui a quand même perdu durée. Enfin, je veux dire, ce qui est frappant, quand on entend le masque et la plume, là, les critiques d'il y a 50 ans, ben, y en a un qui dit « je n'ai jamais vu ça de ma vie ». Et c'était vrai, on n'avait jamais vu ça. Mmh. Aujourd'hui, tout ça, la musique est partout, alors dans votre téléphone, elle est banale, elle est miniaturisée. Enfin, je veux dire, c'est un truc, c'est comme l'air qu'on respire. Mais à l'époque, c'était... avoir une concentration de musique comme ça dans un lieu, pouvoir l'avoir filmé en cinémascope, pouvoir écouter des disques quand on voulait, mais ça paraissait un truc, mais c'est comme une nouvelle planète qui venait de naître. Faut comprendre l'impact que ça a pu avoir, où le moindre artiste qui était à Woodstock avait une importance colossale. Richie Havens, beaucoup de gens l'ont oublié, mais ça a été, pour ceux qui ont vu Woodstock, c'était une illumination. Voilà, donc c'est pour ça, il n'y avait pas que les grands. C'était pas l'idée qu'il y ait les superstars. On était vraiment dans le vedettariat. C'est-à-dire, c'était ceux qui étaient là à ce moment-là sont devenus des stars. C'est différent. Est-ce que le rap aujourd'hui est porteur comme ça d'un mouvement social? Bah, il l'a été comme le rock. Je pense qu'il a la même difficulté que le rock à garder aussi peut-être une période. Il faut dire qu'on est dans une époque tellement, tellement déprimée aujourd'hui, tellement sans espoir, tellement sans utopie, qu'on a peut-être du mal à se relier à cette naïveté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être on souffre d'un surcroît de lucidité qui rend ce genre d'événement peu probable. Bon, bonjour Vincent Josse. Bonjour Fabrice. T'arrives à l'heure, mais c'est agréable. Alors, Vivaldi, Mozart, Beethoven, on aurait pu faire Woodstock ensemble. Ça ah oui. Il aurait fallu les faire mettre ensemble, mais bon, on va se retrouver tout à l'heure. Oui. Vincent, Mishka Sayas, il reste 20 secondes. Au programme ce soir, de 21h à 22h, sur France Inter. C'est Dylan, avec des interprétations un peu soul, blues et gospel. Et puis il y aura un inédit du disque qui sort demain. Bien. Voilà. Merci Mishka. Merci infiniment. À très vite, à très bientôt. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Woodstock, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons dans la fiction le destin d'Alice Daumont, religieuse française assassinée par la dictature en Argentine.